Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous écoutions Piment ou Mangue de Goulvenka. Et sans transition, il y a 20 ans, le gouvernement du Canada approuvait pour la toute première fois des cultures génétiquement modifiées. Cependant, 20 ans plus tard, il reste encore bien des questions sans réponse quant à leur impact et sur la santé humaine, sur l'environnement et sur l'économie. Donc, est-ce qu'ils sont bénéfiques pour l'environnement, pour les agriculteurs, pour les consommateurs? Pour les agriculteurs, les consommateurs. Les organismes génétiquement modifiés sont-ils bien réglementés? En avons-nous besoin pour nourrir le monde? Et malgré l'absence de réponse claire à ces questions majeures, le gouvernement canadien a approuvé en novembre 2013 le tout premier animal génétiquement modifié destiné à l'alimentation humaine. Il s'agit du saumon génétiquement modifié. Alors, j'accueille ce soir Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire, qui est nutritionniste et qui va faire le point avec nous sur les cultures génétiquement modifiées. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie. Avant tout, j'aimerais mentionner que le contenu de cette chronique, c'est vraiment le fruit de nombreuses recherches personnelles que j'ai effectuées dans la littérature scientifique. Donc, je veux surtout pas m'improviser l'experte en OGM. Mm-hmm. C'est vraiment... C'est un très vaste sujet là. Oui, ouais, exactement. Ouais. Fait que mon objectif est plutôt de vraiment partager mon intérêt. Donc, merci Geneviève pour cette précision. Puis, dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend en fait par organisme génétiquement modifié ou OGM? C'est quoi ces trois lettres? Oui, donc selon la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, un organisme génétiquement modifié, c'est un micro-organisme, une plante ou un animal dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède déjà, mais à un degré jugé insatisfaisant à son état naturel, ou pour lui enlever ou atténuer certaines caractéristiques jugées indésirables. D'accord. Donc, si je reprends bien un petit peu tout ça, là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette longue phrase, un OGM, c'est un être vivant dont on a artificiellement modifié le patrimoine génétique en ajoutant un ou des gènes ou en modulant leur fonctionnement, finalement. Oui, exactement. D'accord. Donc, et des OGM, il y en a au Canada. Quels autres pays en produisent également? Oui, donc selon des données issues du International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application, il y a 27 pays là, qui ont cultivé des cultures génétiquement modifiées en 2013. Et 70 % de ces pays-là sont en voie de développement. Tiens. Donc, la majorité sont en voie de développement. Et fait assez surprenant, il y a 89 % de la production mondiale de cultures génétiquement modifiées qui est produite seulement par 5 pays dans le monde. Qui sont? Sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et le Canada. Donc, à eux seuls, c'est 89 % et bien évidemment, les États-Unis sont le premier producteur là avec 70,1 millions d'hectares et le Canada lui figure plutôt au cinquième rang avec 10,8 millions d'hectares. Donc, puis un fait encore plus impressionnant, là, si on regroupe les 10 pays les plus producteurs là, d'OGM, ça représente 98 % de la superficie totale mondiale. Ah, donc c'est quand même assez concentré dans 10 pays. Seulement 10 pays qui produisent la quasi-totalité des cultures génétiquement modifiées. Oui. Et on parle de quels aliments, en fait? Quelles cultures sont génétiquement modifiées? Oui, en fait, presque la totalité des aliments génétiquement modifiés dans le monde peuvent se résumer en 4 principales cultures. Donc, le soya, le canola, le maïs et le coton. Donc, le soya, c'est bien connu, c'est la culture qui est la plus cultivée dans le monde, donc à peu près à 50 % de la superficie totale de culture. C'est suivi du maïs, c'est à 33 % du coton à 14 % et du canola pour seulement 5 % Et comme la plupart des autres pays, le Canada va cultiver également le soya, le canola et le maïs, mais il va se démarquer par sa culture de betterave sucrière. D'accord, mais il ne doit pas y en avoir tant que ça, vu que tu disais que c'était les 4 autres qui étaient principalement. Oui, exactement. D'accord. Donc il y a quand même une très faible diversité dans les cultures génétiquement modifiées. Donc, il y a 4 espèces et quelles sont leurs caractéristiques? Ils ont été modifiés pour quoi, finalement? Oui, donc la quasi-totalité des cultures génétiquement modifiées sont conçues pour résister aux insectes. Pour tolérer soit des herbicides ou ils ont les deux fonctions, donc soit pour résister aux insectes et aux herbicides. Donc, la tolérance aux herbicides, c'est la principale caractéristique généralement qui va être utilisée. Mm-hmm. Si on prend par exemple le maïs BT, lui va résister à la pyrale, qui est un insecte, tandis que le canola va être plutôt résistant à l'herbicide comme le Roundup. Et comment est-ce qu'on reconnaît un aliment génétiquement modifié d'un aliment non génétiquement modifié? Bon, d'abord, il faut que ce soit qu'il appartienne à ces quatre catégories d'aliments. Oui, entre autres, dans un premier temps, effectivement. Puis, physiquement, il est impossible de distinguer c'est ça, un physiquement, aliment. Et... Oui. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on trouve non plus dans les... On n'en trouve pas du soya ou... Ben, non, c'est ça, du soya ou de la canola. La quasi-totalité va être pour dans... l'alimentation, pour l'animal en mm-hmm. soi. Là. Oui. Et donc, un des moyens, finalement, pour qu'on les distingue, certains pays vont utiliser l'étiquetage pour différencier un produit OGM d'un produit non OGM. L'étiquetage. Et au Canada, aux dernières nouvelles, l'étiquetage, c'était pas obligatoire, c'est ça? Oui, exactement. Et ailleurs? Ailleurs, ben en fait, aux États-Unis, eux non plus, c'est pas obligatoire d'afficher le contenu en OGM. Mais en Europe ou en Australie, c'est tout le contraire. Donc, eux, c'est presque la totalité des aliments qui contiennent des OGM sont étiquetés. Et c'est assez intéressant, le site Internet de Center for Food Safety, eux, il permet de repérer vraiment une carte interactive là, du monde. Et puis, on voit les pays là, qui ont une loi sur l'étiquetage mm-hmm. ou non. Et un fait assez intéressant, là, il y a seulement trois pays dans le monde, donc le Bénin, la Zambie et la Serbie, qui ont voté en faveur d'une interdiction mm-hmm. officielle de tout OGM, donc que ce soit importé ou cultivé mm-hmm. sur leur territoire. Ah ouais, ça veut dire qu'on n'y trouve aucun aliment génétiquement modifié. Théoriquement, selon la loi, oui. Ouais. Et est-ce que ce sont seulement des plantes qui sont issues de cultures génétiquement modifiées et qui sont destinées à la consommation humaine? On parlait de saumon. Non, non, exactement. Depuis novembre 2013, le gouvernement du Canada a donné son approbation à la production commerciale d'œufs de saumon génétiquement modifiés. Et les œufs seront produits au Canada, donc plus spécifiquement à l'île du Prince-Édouard. Les saumons seront élevés au Panama et par la suite vendus principalement aux Américains. Ils font tout un trajet, ces saumons. Oui, absolument. Et comment est-ce qu'on a fait un saumon génétiquement modifié? Oui. Comment ça se fait, ça? En fait, c'est la compagnie américaine Aquabundy qui a utilisé une technique qui va permettre d'insérer un gène de croissance du saumon Chinook, donc c'est le plus grand des saumons du Pacifique, et un gène de résistance au froid de la loquette d'Amérique dans les œufs d'un saumon de l'Atlantique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la mise de deux gènes. Deux gènes, d'accord. Oui. Et avec ces deux gènes en plus, quel va être le résultat? Il va ressembler à quoi, ce saumon? Oui, ben en fait, ça va ressembler à un saumon, évidemment. Mais lui, va se développer toute l'année. Donc, il va atteindre la taille commerciale qui est requise là, en 18 mois, soit à peu près deux fois plus rapidement qu'un saumon de l'Atlantique d'élevage non génétiquement modifié. D'accord. Donc, s'il grandit plus vite, je comprends qu'Aquabounty, ça lui coûtera moins cher pour produire du saumon. C'est un avantage. C'est un avantage pour eux. Mais est-ce qu'on sait s'il y a des dangers potentiels de la production de ce saumon génétiquement modifié? Des dangers pour l'environnement, pour la santé? Est-ce qu'on s'est intéressé à ces problèmes-là? Oui, ben on s'est intéressé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de groupes environnementaux qui ont des inquiétudes là, par rapport à ce sujet. Notamment, il est souvent question de la crainte d'une contamination génétique irréversible avec les espèces indigènes déjà présentes dans les océans, advenant le cas où qu'un saumon... Il y en a qui s'échapperait. Oui, génétiquement modifié s'échapperait des sites de culture. Il y a aussi question de nourrir ces poissons-là avec des poissons qui sont pêchés localement. Donc, ça crée une pression supplémentaire sur l'écosystème. Ben oui, s'ils grandissent plus vite, il faut les nourrir aussi en conséquence. Et Puis également question aussi de faire l'élevage de poissons d'eau froide. Hein. Les saumons, c'est des poissons d'eau froide dans un milieu tropical. Donc, il faut refroidir ces bassins-là. Donc, ça crée une grande consommation d'énergie, là, finalement. Et, à mon avis, le point crucial, c'est celui d'un manque énorme de connaissances à ce jour au sujet de l'impact de la consommation de ce poisson-là sur la santé humaine. Mm-hmm. C'est d'ailleurs... D'ailleurs, là, il est autorisé au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'ont autorisé ou est-ce qu'aucun autre pays ne l'a autorisé, ce poisson-là? Ben, en fait, il est autorisé pour la production d'œufs au Canada, mais pour la consommation humaine, en ce moment, c'est pas encore... La vente n'est pas encore... commencer, je pourrais dire ça comme ça. Il faut d'abord s'assurer que ça ne pose pas aucun risque là, pour la santé de l'humain. OK. Et en parlant des impacts sur la santé humaine, bien, il y a une enquête québécoise en ce moment sur les organismes génétiquement modifiés. Et je vous invite à consulter le site internet www.enquêteogm.ca, donc en un seul mot. Et puis, vous pouvez poser toutes vos questions là, au sujet des OGM, ce qui vous intéresse, vous interpelle un peu. Puis ces questions-là vont pouvoir façonner un peu l'enquête là, qui est en cours. Oui, c'est qui a fait cette enquête-là? Est-ce qu'on sait? Ma mémoire me fait défaut. Bon, ben alors on va aller voir directement sur eux. C'est ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ces explications, quand même, pour ce portrait des OGM qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se cache derrière les lettres OGM. Et puis, peut-être inciter à aller s'exprimer derrière cette enquête OGM 2015. Et puis, chose certaine, on va certainement encore entendre parler encore de ce saumon transgénique. Je comprends que pour l'instant, ce sont des œufs, finalement, qu'on a autorisés. Exactement. Mais on ne fait pas des œufs pour rien. Oui. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Geneviève. On va partir maintenant en publicité sur CKRL au 89.1, bien sûr. Et au retour, on vous fait découvrir l'insuline intelligente.